La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Delbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Delbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6102. Lourde perte hier pour le monde du hockey. C'est une grosse nouvelle hier. Pierre Lacroix qui est décédé à l'âge de 72 ans. Et on va faire une table ronde cette fois-ci. On va parler également avec l'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard, qui est bien connu également Pierre Lacroix qui est décédé hier. D'abord avec notre collaborateur hockey, Marc Fortier, qui l'a eu comme agent. Salut Marc. Salut Danny. Et l'ancien directeur des pages sportives au Journal Le Soleil, Maurice Dumas, qui a évidemment connu les belles années de Pierre Lacroix comme directeur général des Nordiques. Bonjour, M. Dumas. Bonjour, monsieur. D'abord, Marc, parle-moi de dans un premier temps de Pierre Lacroix. Tu l'as eu comme agent, tu l'as eu toute ta carrière. C'était quoi comme agent, Pierre Lacroix? Bien, d'abord et avant tout, d'avoir Pierre Lacroix comme agent, là, c'est un privilège. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, les agents sont rendus qui ont 50, 75, 100 et même plus joueurs à représenter. Alors qu'à l'époque, moi, quand je suis arrivé avec les Nordiques en 87, Pierre Lacroix, lui, là, il prenait seulement 30 joueurs. Okay. Pas plus que 30, et c'était seulement des Québécois. Okay. Alors, ça fonctionnait comme ça. Alors moi, quand je suis arrivé avec les Nordiques, ben, j'avais pas d'agent. Mon premier contrat que j'avais signé avec les Nordiques, c'était avec Gaston Drapeau, qui était mon entraîneur avec les Saguenayens. Et Pierre Lacroix, par en arrière, il m'avait pas représenté, mais il avait conseillé Gaston à comment, si tu veux, construire ce premier contrat-là que j'avais signé avec les Nordiques. Okay. Alors, ça, c'était la première fois avec Pierre. Mais lui, Pierre, il avait ses 30 clients, alors il en prenait pas plus. Mais... Okay. À ma deuxième saison, j'avais eu une bonne saison avec les Nordiques. Et puis, j'avais pas d'agent pour renégocier mon contrat. Et puis, Michel Goulet, qui m'aimait beaucoup, moi, quand j'étais avec les Nordiques, il avait parlé à Pierre, parce que c'était l'agent Michel. Puis, il a parlé à Pierre, il dit, Pierre, crime, ce serait le fun que tu t'occupes de Marc. Il a une bonne saison, c'est un bon petit gars, j'aimerais ça que tu t'occupes de lui. Puis, dans le même moment, ben Pierre, il y avait un de ses clients qui débarquait, qui était un ancien des Saguenay également, Yves Héroux, qui était avec Pierre. Oui. Puis, étant donné que Yves débarquait, lui, de la firme avec Pierre Lacroix, ben il y avait une place. Puis, Pierre, il avait décidé de me prendre. Alors, c'est comme ça que je suis rentré avec lui. Puis, il est extraordinaire tout le long de ma carrière. C'est un fin renard quand il venait le temps de négocier des contrats. Mais également... Qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'à toutes les années, nous autres, à tous les étés, on se retrouvait avec Pierre Lacroix à Montréal, et puis on passait, il appelait ça la chaise électrique. Okay. Alors, on allait dans le bureau à Pierre, puis il y avait la chaise que tous les clients avaient là, puis il faisait le bilan de notre année, qu'est-ce qu'on avait fait, puis lui, c'était bien important, l'argent qu'on avait fait, combien qu'on avait dépensé, pourquoi on avait dépensé cet argent-là, parce qu'il voulait pas que c'était facile de partir en fou. Puis de dépenser quand tu fais des salaires, puis quand tu as la notoriété qu'on avait. Mais Pierre, là, je vais dire qu'il y a des fois des gars qui passaient dans le bureau, puis que la chaise électrique est en fonction, là, parce qu'ils sont fait électrocuter une couple de fois. C'était parce que quand c'était le temps, Pierre, de ramener Pierre les gars à l'ordre, il n'y avait pas peur. Des fois, Nordiques. on passait même à 14. Alors, c'était quelqu'un qui devait être bon pour ses joueurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tu prends juste 30 joueurs, c'est parce qu'à quelque part, tu veux avoir de la qualité, tu veux bien les représenter. Ce serait facile d'avoir 75, 100 joueurs pour faire de l'argent, mais finalement, c'est peut-être mieux d'y aller de moins. Puis, c'est important ce que tu as dit, Marc. Combien il y a d'anciens joueurs de hockey qui ont eu des mauvais. Ils ont eu des, après leur carrière, c'était difficile. Donc, ils peuvent paraître vraiment bien, là. Oui, puis en plus, Pierre, une des belles qualités qu'il avait, là, c'est que lui, là, c'est pas lui qui gérait notre argent. Il y a bien des agents que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que tu envoyais ton argent dans un compte de banque, puis là, ton agent payait tes comptes pour toi, puis là, il payait tes choses, puis il payait tes choses. Puis là, tu arrives à 30 ans, tu fais ta retraite, puis tu n'as pas appris encore à payer un bill parce que tu étais dépendant de ton agent. Pierre, lui, c'était pas ça. Quand j'avais négocié, moi, pour... je m'étais acheté un condo, Pierre, il avait dit, garde, là, tu vas aller dans, je veux que tu ailles dans 3 institutions financières, je veux que tu ailles te demander les taux, je veux que tu ailles, tu sais, il nous faisait tout faire le processus pour qu'on apprenne, justement, comme joueur d'hockey, que la vie normale, là, c'est d'autres choses que de mettre des patins et d'embarquer sur une place. Alors, il était bon là-dedans de nous faire tous les processus de la vie courante, puis ça nous apportait beaucoup comme joueur. Monsieur Dumas, vous, je vais parler évidemment comme journaliste, évidemment, vous aviez, avec comme agent, vous ne deviez pas avoir beaucoup de liens avec... c'est encore drôle pour appeler, j'imagine, des négociations de contrat. Est-ce qu'il était bon avec du côté avec les journalistes? On avait... Mais Pierre, avec les journalistes, il était quand même assez discret, là. Okay. C'était pas le... moi, je l'ai connu lorsqu'il représentait des joueurs. Ouais. C'était pas non plus le genre à négocier dans les journaux, là. Alors, à ce niveau-là, il était assez discret, là, je veux dire. Il travaillait pour ses joueurs, là, mais, tu sais, je veux dire, il était pas continuellement dans les médias. C'est parce que c'était sa façon de fonctionner. Je suis convaincu aussi que cette façon de fonctionner-là aussi... plaisait à ses joueurs parce que on en voit trop de cas aussi où à un moment donné, vous voyez beaucoup d'agents qui laissent filtrer des informations souvent, tu sais, et puis ça sort dans les journaux et tout ça. Mais moi, en tout cas, ce que je me souviens, c'était pas le cas de Pierre Lacroix, là. Puis c'était un vrai agent. Il y en a beaucoup qui s'invoquent, qui s'improvisent agents aussi, là. Lui, de la manière que... Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais je le connaissais comme agent parce qu'on avait affaire à lui aussi. Mais moi, je l'ai surtout connu davantage l'année qu'il a été directeur général des Nordiques, la dernière saison des Nordiques dans la Ligue nationale. Puis, je vais vous raconter une anecdote, ça va vous faire rire. Lorsqu'il a pris le poste de directeur général des Nordiques, à un moment donné, on s'est rencontrés, puis Pierre m'avait mentionné qu'il voulait rencontrer le directeur des Sports du Soleil à l'occasion pendant la saison pour discuter de certains points. Et puis... on avait convenu de se rencontrer à peu près toutes les 6 semaines, là. Et puis, je vous dirais qu'à la deuxième rencontre que nous avons eue, j'ai pris la facture. Ouais. Pierre, il dit non, non. Il a dit non, non. Il dit, Pierre, si tu veux qu'on continue ces rencontres-là, faut qu'on paye chacun notre tour. Fait que là, il dit, Maurice, il dit, c'est la première fois que je vois un journaliste prendre la facture. J'ai dit, c'est pas le journaliste qui prend la facture, j'ai dit, c'est mon média qui va payer, alors fatigue-toi pas pour ça, là. Monsieur Dumas, moi, j'ai dit que c'était un des bons coups de Marcel Aubut, la nomination de Pierre Lacroix. Je me rappelle très bien, ça avait été vu comme un geste osé, là, à l'époque, là. Mais un agent de joueur qui transfère l'autre bord. Oui, mais il y avait déjà des affinités avec les Nordiques, un peu, parce qu'évidemment, il y avait des joueurs... qui le représentait chez les Nordiques. Et aussi, c'était lui qui avait été appelé pour dénouer le conflit qu'il y avait eu à un moment donné avec les frères Stachny et les Nordiques. Okay. Puis c'est Pierre Lacroix qui avait joué le rôle, un peu le genre de rôle de médiateur dans ce dossier-là. Alors, lors de son embauche par les Nordiques, ça avait été très, très bien accueilli parce que, je veux dire, le règne de Pierre Pagé avait... Le règne de Pierre Pagé avait pris fin d'une façon un peu abrupte. Et puis moi, je dois vous dire, à l'époque, évidemment, j'étais journaliste, mais j'étais directeur des sports au Soleil. Moi, j'aimais beaucoup mieux faire affaire avec un gars comme Lacroix que Pagé, parce que Pierre Pagé et moi, disons que... Quoique, ça passait pas bien, bien. Pierre Bagé, comme pour faire des conférences de presse là, pour le commun des mortels, ça en était crampé. Il sortait des comparaisons qui avaient aucun... Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça avait aucun sens. Il dit, voyons... Ouais. Oui, c'est un autre genre. Mais c'est, puis il n'y avait pas non plus la même expérience également que Pierre Lacroix avait avec la presse et tout ça, parce que Pierre Lacroix, il avait été agent joueur longtemps, puis auparavant, je me souviens bien, je pense qu'il avait travaillé pour la brasserie O'Keefe, et puis il avait fait divers besognes là, qu'il avait à être avec le public, alors c'était pas le même genre. Là. OK. Marc, comme joueur aussi, souvent l'agent du joueur, c'est un psychologue. Est-ce que de ce côté-là, il était bon, Marc? Oui, il était excellent. Ouais. Il était excellent, puis il était bien entouré, parce qu'il y avait quand même les premiers clients que Pierre a eus. Tu as eu Robert Sauvé, qui était dans ses premiers clients, Mike Bossy et Gaétan Boucher. Okay. Ça, c'était beaucoup, tu sais, Gaétan, quand il avait remporté ses médailles olympiques et tout. Alors, il y a deux personnes qui ont représenté qui étaient pas, qui faisaient pas partie du monde du hockey. Tu avais eu Gaétan Boucher et puis Sylvie Bernier. Okay. Ça, c'est les deux clients que Pierre représentait en plus de ses joueurs de hockey. Mais tu sais, avec Robert Sauvé, puis tu avais Daniel Sauvé qui était également son comptable et fiscaliste, là, qui, lui, s'occupait de tous les chiffres, là, des contrats et ça. Alors, il y avait vraiment une belle équipe. Puis, Pierre, ça a tout été une question de famille. Hein. C'était une grande famille. Comme je t'ai dit, on se réunissait à toutes les années. Là, on allait dans les Laurentides, puis les endroits changeaient. Mais on c'était deux jours de temps, puis on avait un souper à tous les clients ensemble, puis... on avait un conférencier invité qui venait nous voir, qui venait nous parler, puis on faisait ses rencontres. Ça, c'était vraiment, vraiment... quand tu faisais partie de la firme, ça s'appelait Jandec, dans le fond, là, la firme que Pierre avait créée, qui représentait de janvier à décembre, qui représentait ses joueurs. Alors, c'est pour ça qu'il avait appelé ça comme ça. Et puis, à chaque fois qu'on se réunissait, c'était vraiment spécial, puis on était vraiment un groupe soudé, là, tu sais... On va se le dire, moi, je ne représentais pas les plus gros clients de Pierre. Là. C'était le beurre sur le pain, puis c'est tout. Là. Mais tu sais, quand tu as des Patrick Roy, puis tu as des Mike Bossy, puis tu as des Michel Goulet, puis Danfousse, puis Sylvain Turgeon. Alors, c'était vraiment là, la crème des meilleurs joueurs québécois qu'il représentait. Alors, moi, d'avoir eu la chance, grâce à Michel Goulet, d'être représenté par un gars avec cette notoriété-là m'a énormément aidé dans ma carrière. OK. Monsieur Dumas, est-ce que lorsqu'on parle évidemment des transactions, il y en a fait des bonnes. Évidemment, celui-là, il a quand même été chercher Patrick Roy, c'est la plus célèbre, mais celle également de Cindy Sosolinch, qui est quand même très bonne. Et je me rappelle qu'au repêchage de 95, sur le parquet de l'Arena à l'époque, il avait échangé Matt Sundin. Ça prenait quand même du cran. Puis il avait été chez Wendell Clark à Toronto. Cette transaction-là, ça prenait quand même du crème pour faire ça, là. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que lors du d'un passage de Pierre au tournoi Pee-Wee, il y a quelques années, il était là avec son petit-fils. On avait justement parlé de cette transaction-là. Mm. Je veux dire, Pierre a fait beaucoup, beaucoup de bonnes transactions. Mais celle-là de Sundin, ça prenait du crème. Mais je ne crois pas qu'elle ait tourné comme il pensait, par contre. OK. Parce que... Wendell Clark, je veux dire, lorsqu'il est venu à Québec, il n'a pas été mauvais, là, mais je pense pas qu'il a joué le rôle qu'on pensait qu'il aurait. Et puis, c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Pierre, et puis à ce moment-là, puis, lorsque Pierre a fait la transaction, c'est parce qu'il était bien pourvu au centre. Il y avait Joe Sakic, Peter Forsberg arrivait, puis le troisième centre de l'équipe, c'était Mike Ritchie. Alors, Pierre avait des éléments pour faire des transactions aussi. Vous parlez de la transaction de Sunday aux Olynch. Ouais. Si je me souviens bien, il avait donné au Wendolin là-dedans. C'était Wendolin, c'était le joueur. Il avait donné au... Alors, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, il allait chercher des morceaux qui lui manquaient, mais pouvait vraiment donner quelque chose. Et je pense que sa plus grosse transaction, c'est quand même celle de Patrick Roy, là. Et puis, je dois dire, par contre, que moi, je pense que le Canadien l'a aidé beaucoup dans cette transaction-là. Ah oui, c'est clair. Parce qu'au moment où, où Patrick passait devant Mario Tremblay pour aller dire à Ronald Coré qu'il jouait son dernier match à Montréal, moi, je suis convaincu que si Pierre était devant son téléviseur à ce moment-là, il s'est dit « Oups, on va revenir à la charge en ce qui concerne Patrick, là, parce que c'était clair là, que... Il voulait l'obtenir, surtout qu'il avait Il avait déjà négocié. Puis ça, je vais parler avec Serge tantôt. C'est de notoriété publique qu'il y avait une transaction qui se préparait. Puis il avait dit il faut que tu la complètes avec un autre parce que j'ai été congédié. Puis si je me souviens bien, dans cette transaction-là avec Serge, le gros morceau qu'on voulait donner en retour de Patrick, c'était Owen Nolan. Oui. Mais je regarde. Clark, Marc, tu me corriges, je me trompe, mais c'est parce que. Si je me rappelle bien, les Nordiques voulaient changer un peu de tu sais, ça faisait quelques années que le club ne gagnait pas en série. On voulait amener un joueur de caractère, un leader qui avait déjà gagné. C'était pour ça qu'on avait fait l'échange. Oui, ça a été quand même un gros sacrifice. Là, je vais dire, comme Maurice il dit, là, c'est sûr que ça n'a pas été le meilleur échange de Pierre à l'occasion. Parce qu'on regarde la carrière de Sandin par rapport à Clark qui était plus... en deuxième partie de sa carrière. Là, il n'était pas aussi dominant qu'il avait été. Mais je pense qu'aussi, Pierre voulait aussi changer l'atmosphère, je pense, qui régnait dans le vestiaire, parce que ça faisait quand même... J'étais parti en 92, là, mais tu sais, de 87 à 92, moi, dans mes années, là, ça n'a pas été la mer à boire. Là. C'était, ça a rendu, honnêtement, avec une attitude défaitiste un petit peu qu'on avait dans cette organisation-là. Et puis, même s'il y avait des bons jeunes qui s'en venaient, oui, mais tu sais, on voulait essayer d'avoir amené quelqu'un là, qui allait faire un traitement choc, si vous voulez, là, dans cette équipe-là. Alors, je pense qu'il avait sacrifié Sundin, ben, en passant pas, c'est sûr qu'il allait avoir la carrière qu'il allait avoir, mais il l'a sacrifié pour changer peut-être l'attitude dans le vestiaire, puis amener quelqu'un de caractère là, qui allait protéger ces jeunes joueurs-là, puis qui allait les enseigner à la bonne école. On va faire une pause. Oui, c'est le temps des fêtes. Monsieur Dumas, regardez ce que vous avez à dire, puis on va revenir dans quelques instants. Vous avez écouté une table ronde sur le décès de Pierre Lacroix sur les ondes de Donald Sports. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-46. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. On est retour à danradiosport.com. Monsieur Dumas, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Je pense qu'au moment de la transaction de Sunday, je pense que l'idée était bonne là, de vouloir changer l'atmosphère et tout ça. Mais moi, ce qui me revient dans tout ça, c'est que je pense pas que Clark a eu l'influence. Parce que moi, je pense que ce gars-là était venu jouer à Québec, là, il jouait à Québec et tout ça. Mais il n'avait pas eu l'influence qu'on espérait qu'il aurait. Et puis, c'est pour ça. Mais au moment de l'affaire, la transaction, l'idée était bonne. Et parce qu'on voulait donner du leadership aussi, puis peut-être changer l'atmosphère qui était un peu défaitiste. Parce que la saison précédente, les Nordiques, ça avait mal été. Mais par contre, la saison 92-93 avait très, très bien été. Alors, moi, je pense que c'est le rendement... et le comportement de Tlac qui fait que la transaction n'a pas viré comme on pensait. Là, on parle beaucoup des Nordiques, mais il y en a fait des bonnes aussi au Colorado. Il a fait elle de Sandy Jolie, il s'est fait elle de Rob Blake aussi. Il a amené Rob Blake, il a amené Raymond Book au Colorado. Il n'a pas amené Théorin Fleury aussi, je pense que oui. Oui. Donc, il a amené plusieurs gros noms là, là-dedans. Là, même Dale Hunter. Est-ce que, je vais vous poser la question aux deux, est-ce que hier sur RDS, on dit qu'il n'est pas autant de la renommée, c'est presque légitime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, moi, je pense que probablement qu'il répond à des critères, mais là, je suis pas vraiment au courant de tout, là, qu'est-ce qui se passe dans. Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. Mais si vous me demandez mon opinion, moi, je pense qu'il y aurait sa place là, mais évidemment, ce sera les gens qui sont là qui décideront, mais je pense pas que personne serait mal à l'aise. Personne serait mal à l'aise de le voir là. Marc, est-ce que au temps de Romé et à la Croix, c'est quand même pas si bien comme bâtisseur, vraiment, là, puis comme agent de joueur aussi, là. Attends, il y aurait sa place, je trouve. Absolument, absolument. Écoute, comme bâtisseur, je crois que tu es arrivé à Denver, là, au Colorado, avec un engouement qui n'était pas très, très fort pour le hockey à ce moment-là, hein, parce que t'as quand même avec le football et le basketball, entre autres, tu avais quand même des sports qui sont majeurs là-bas, le baseball aussi. Alors, qu'il ait réussi à amener une équipe comme ça, et son exploit, c'était de la garder au sommet, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui réussissent pendant une dizaine d'années là, à garder l'équipe toujours champion de ta division. Là, on regarde Détroit qui l'ont fait pendant plusieurs années et Colorado l'ont fait également. Alors, c'était vraiment, vraiment un exploit. Mais moi, je me souviens aussi que quand ils sont arrivés là, ils ont battu un record à un moment donné à Denver pour le plus de matchs consécutifs à guichet fermé. Oui, là. Oui, c'est ils vrai. Vendaient tous les billets. Là. Mm. Alors, ils ont fait, je sais pas combien de matchs. Oui, 500. Oui. Alors, tu sais, d'arriver dans un marché comme Denver, comme ça, puis rendre le hockey aussi passionnant, puis de faire qu'est-ce qu'ils ont fait, ben c'est chapeau à Pierre Lacroix là, qui a bâti cette dynastie-là et puis qui a permis au hockey de s'implanter dans une région comme ça. Ouais. Monsieur Lacroix, est-ce que Monsieur Dumas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou avant le mot de la fin? Je pense qu'il y avait, ça a été au-dessus de 500 matchs là, consécutifs à guichet fermé. Et puis je pense que pendant une période de peut-être 7, 8, 9 ans, ils ont toujours terminé premier de leur division et atteint très, très souvent. Évidemment, ils ont remporté deux coupes cette année, puis atteint très, très souvent la finale de leur conférence. Mm. Alors, c'était vraiment une équipe au sommet, là. Mais, Marc, ta dernière question, ça fait-tu longtemps que tu l'as pas vu? Est-ce que la dernière fois que tu as parlé, c'est quand? Pierre, je l'avais croisé, je pense que c'est ça, au tournoi Pee-Wee, quand il était venu au tournoi Pee-Wee, là, pour son petit-fils. Là, c'était le fils d'Éric qui était au tournoi. Alors, c'est la dernière fois que j'avais croisé Pierre. Là. Je me souviens bien, il était avec Colombe aussi, son épouse. Là, puis, c'est toujours spécial de le voir parce que c'est un gars qui était... C'est un gars qui dégageait beaucoup, Pierre. Là, il était intimidant un peu. Là. Quand tu le voyais, là, le bon mot, c'est qu'il avait une prestance incroyable. Mm. Mais d'un autre côté, là, quand tu le connaissais personnellement, là, c'était un pince sans rire. C'était un gars qui aimait ça, faire des petits jokes subtils un petit peu, puis avec son mi-sérieux, mi-blagueur. Là, alors, mais il y avait toute une prestance. Oui. Messieurs, très intéressant. Monsieur Dumas, je souhaite de joyeuses fêtes. Marc, nous, on va se reparler pour le bilan de l'année comme on le fait toujours avec les années. Fait que, et évidemment, Monsieur Dumas, on espère vous reparler d'une séquence plus joyeuse un peu. Ah, pas de problème. Voilà, donc Maurice Dumas et Marc Fortier commentaient le décès de Pierre Lacroix hier à l'âge de 72.